Méthode journalistique tordue, une fois de plus dévoilée. Le 3 juillet 2021 avait lieu à Nancy une manifestation qui avait pour thème la gestion de la crise sanitaire et sa sortie. Plusieurs associations s'étaient mises ensemble pour organiser cet événement. L'invité principal étant le professeur Christian Perron, qui pendant plusieurs années était vice-président à l'OMS du groupe d'experts pour les vaccins en Europe. Il a été en France jusqu'en 2016, président de la commission maladies transmissibles du Haut Conseil de la Santé publique. Il a également présidé le comité technique des vaccinations. Il a conseillé les gouvernements pendant 15 ans pour la gestion des épidémies. D'autres intervenants comme Martine Vonner, médecin psychiatre et député du Bas-Rhin en Alsace, et maître Carlo Alberto Brusa, avocat, ont donné leur point de vue sur la situation actuelle et en particulier sur la vaccination Covid-19. Malgré ces personnalités de taille, les journaux L'Est Républicain et Le Républicain Lorrain n'ont pas seulement occulté des informations importantes des allocutions, mais dans un premier temps, ils ont écrit des articles en ligne trop sommaires sur l'événement, avec les gros titres négatifs suivants. Nancy, les anti-vaccins pendent un faux pompier, le maire Mathieu Klein fait un signalement. Faux pompier pendu par les anti-vaccins, ces gens-là nous amènent vers la quatrième vague, alerte le maire de Nancy. Gros titre repris par d'autres médias dans les jours suivants. Qu'en est-il de ces affirmations « pompier pendu », « anti-vaccin » et qu'est-ce que cela suscite chez les lecteurs ? Le mannequin à l'effigie d'un pompier pendu a été mis en relation avec le rassemblement. Selon des participants de la manifestation, effectivement, un mannequin à l'effigie d'un pompier a été représenté pendu. L'homme à qui appartenait le mannequin est un ancien pompier à qui on a retiré ses droits suite à un accident du travail. Cet homme profite d'événements comme les manifestations en apposant un mannequin pompier grandeur nature pendu à une potence et cela sans demander la permission aux organisateurs. Le désespoir de ce pompier est plutôt connu dans la région puisqu'il a déjà été aperçu dans d'autres événements. De tels gros titres dénigrent la manifestation et donnent aux lecteurs l'impression que ces manifestants sont des extrémistes et des provocateurs. Les participants sont des anti-vaccins. Nous vous proposons de vérifier par vous-même si cette affirmation est correcte en écoutant ce que disent les intervenants eux-mêmes lors de ce rassemblement et si ces gens ont des informations importantes qu'on doit avoir entendues afin de pouvoir se faire sa propre opinion. Madame Martine Vonner. On me présente comme anti-vax. Je n'ai jamais été anti-vaccin. Mais quand on parle de vaccin, il y a une définition précise du Larousse du mot vaccin. Le vaccin, c'est pas cette espèce de thérapie ou de médicament génétiquement modifié qu'on veut vous injecter. Cette autorisation de mise sur le marché conditionnelle en phase 3 devrait passer par plusieurs choses. Un temps de discussion, un temps pour éclairer la personne, pour qu'elle puisse donner son consentement, pour qu'elle puisse dire, après avoir réfléchi, d'avoir la liberté, parce que même celle-là, je la défends. Après tout, quelqu'un qui est terrorisé, quelqu'un qui a vraiment très peur, quelqu'un qui, voilà, dans sa petite, au fond de lui, se dit « Oui, j'ai compris qu'on va m'injecter quelque chose de génétiquement modifié, dont on sait maintenant qu'en plus, c'est pas simplement de l'ARN, mais qu'avec, non pas un bout de baguette magique, mais une enzyme, ça peut rentrer dans l'ADN. Donc, les personnes qui reçoivent ce vaccin doivent avoir ça en tête. Et après, ils disent oui ou non. Mais aujourd'hui, les personnes qui vont vers cette injection, la plupart ne savent même pas pourquoi ils y vont. Mais c'est juste pour être tranquille. Le professeur Christian Perron. Alors que j'ai conseillé des gouvernements pendant 15 ans pour la gestion des épidémies. Alors je sais de quoi je parle. J'ai jamais été anti-vaccinal parce que c'est moi qui ai présidé la politique vaccinale dans le pays pendant 15 ans. Et pendant plusieurs années, j'ai été vice-président du groupe d'experts à l'OMS pour les vaccins en Europe. j'ai toujours défendu les vaccins quand ce sont des vrais vaccins. Là, aujourd'hui, on n'a pas affaire à des vaccins, on a affaire à des produits expérimentaux. Au regard de ces informations, on peut facilement comprendre que les médias du mainstream sont loin d'avoir donné un rapport objectif. Pire, des faits importants ont été occultés que le public devrait absolument entendre. De cette façon, ils créent de la diversion, tordent et détournent le sens des événements relatés. Nous vous encourageons, chers téléspectateurs, à diffuser cette émission afin que la vérité perce, comme le dit la citation suivante de l'écrivain allemand Frank Thies. La vérité est une plante indestructible, on peut l'enterrer sous un rocher, elle percera quand même lorsque son temps sera venu. Vous pouvez visionner l'essentiel du discours du professeur Perron à la suite de cette émission.